Tatatin, bonjour, c'est Renaud sur la radio des bons cons. Je vais vous faire une petite poésie. Vœux pieux, que délestés enfin du poison de l'angoisse, nos âmes s'élèvent dans de somptueux espaces, loin des médiocrités, des crétins irritants que nos contemporains ont choisis pour régents. Pouvoir enfin planer au-dessus des menaces, que profère cette tarée déguisée en élite, qui n'ont pour horizon que celui de leur bite, qu'elle soit trop grosse ou bien trop petite, elle occupe tout l'espace de leur triste occiput. Que l'avenir nous préserve de ces idiots turgescents, et s'ils viennent à nouveau menacés de leurs glands, tenons-nous sur nos gardes, prêts à l'insurrection, car c'est un droit de choisir qui nous met dans le fion. Ta-ta-ta.